Thank you. 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Ne force pas la main, ne force pas la main. Camarade. Bientôt. Ça serra la main, camarade, peut-être. Bientôt. Bientôt. Bientôt. Bientôt. Bientôt. On peut se croire égaux. Cool to meet you, Wade. Bientôt, bientôt, bientôt, camarade. Yeah, man. Yeah, cool. Ravi, ravi. See you around. It's a cool session. I want to open sèche. A drifter sèche. Yeah. Yeah. Because we are here. We try, we try, we fail. We purpose sound. We need to trust. In what you need to trust. Purpose something. Go on, go on. Go ahead. Just follow you. Petite proposition. Petite. Bon allez, gratteux, vas-y, balance un truc, non? Proposition. Essayez. Tu m'entends bien? It's been a long, long time together. From the hard times to the good. Ouais. I have to celebrate you, baby. I have to praise you. Yeah, like I'm willing to sing along with you guys. I have to. You try, you fail. Le. Allez, on s'en fout, on y va. Je vais te tuer le mix, quoi. Faut y aller. Mettre bien, hein, il n'y a plus personne.